Fioretti, ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Supplément tiré du manuscrit de Florence. Chapitre 1er. Comment saint François apparut à frère Léon. Après la mort de saint François, frère Léon éprouva le désir de voir encore ce doux père, qu'il avait si tendrement aimé durant sa vie. Pour obtenir cette consolation, il ajoutait à ses macérations ordinaires, à ses prières et à ses jeûnes, et il conjurait Dieu, avec une grande ferveur, de vouloir bien l'exaucer. Un jour qu'il priait ainsi, saint François lui apparut avec des ailes, et portant aux pieds et aux mains des ongles dorés semblables aux serres d'un aigle. Dans l'étonnement et la joie d'une telle apparition, frère Léon s'écria, « Ô mon très révérend père, pourquoi donc m'apparaissez-vous sous une forme si merveilleuse ? Ces ailes que tu vois, répondit saint François, c'est de la divine bonté que je les tiens, elles m'ont été accordées afin que je puisse voler au secours des pieux frères de mon ordre qui m'invoquent dans leurs tribulations et leurs nécessités, et porter ensuite leurs âmes à la gloire suprême. Ces ongles dorés, grands et forts, m'ont été donnés contre le démon, et ils me servent aussi à déchirer les persécuteurs de mon ordre et les frères qui y meurent en réprouvés. C'est moi qui dois leur faire subir les châtiments rigoureux qu'ils méritent. À la louange du Christ. Amen. Chapitre 2. De la terrible vision que frère Léon eut en songe. Frère Léon vit un jour, en songe, l'appareil du jugement divin. Il vit les anges rassemblés dans une prairie, au son des trompettes et de divers autres instruments, une multitude immense. À l'une des extrémités de la prairie s'élevait une échelle de vermeil qui, de la terre, montait jusqu'aux cieux, à l'extrémité opposée s'en trouvait une autre qui descendait du ciel jusqu'à terre, et celle-ci était blanche. Au sommet de l'échelle de vermeil apparaissait Jésus-Christ sous les traits d'un maître foncé et plein de colère. À quelques degrés au-dessous de lui se trouvait saint François. Le saint descendit plus bas encore, et là, d'une voix forte et animée, il appelait ses frères et leur disait, « Venez, mes frères, venez avec confiance, ne craignez pas, venez, approchez du Seigneur, c'est lui-même qui vous y invite. » À ces paroles, les religieux s'avançaient et montaient avec une grande assurance les degrés de l'échelle de vermeil. Mais lorsqu'ils étaient tous montés, l'un tombait du troisième degré, un autre du quatrième, un autre du cinquième, un autre du sixième, et tous enfin finissaient par tomber, sans qu'il en restait un seul sur l'échelle. À cette vue, touché de compassion pour ses frères, saint François se tournait, comme un bon père, vers le juge, et le priait de recevoir ses enfants dans sa miséricorde. Mais le Christ lui montrait ses plaies toutes sanglantes, et il disait, « Vois ce que m'ont fait tes frères. » Alors, descendant de quelques degrés, le saint appela de nouveau ses enfants renversés de l'échelle de vermeil, en leur disant, « Venez, mes frères et mes enfants, ayez confiance, ne désespérez pas, courez à l'échelle blanche, montez-y. » Et vous serez reçus dans le royaume du ciel. Oui, courez à l'échelle blanche, mes frères, c'est votre Père qui vous y exhorte. Il dit, et au sommet de cette échelle, apparut la glorieuse Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ, toute miséricordieuse et toute clémente. Et les frères entrèrent, sans aucune peine, dans le royaume éternel. À la louange du Christ. Amen. Chapitre 3. Exemple de frère Léon. comment saint François lui commanda de laver une pierre. Saint François se trouvant avec frère Léon sur la montagne de l'Alverne, lui dit, « Frère, chère petite brebis, lavez cette pierre avec de l'eau. » Frère Léon obéit. « Maintenant, reprit le saint, d'un visage rayonnant de joie, lavez-la avec du vin. » La pierre fut ainsi lavée. « Lavez-la avec de l'huile, » dit-il encore. Le frère obéit. « Frère Léon, chère petite brebis, » dit enfin saint François pour la quatrième fois, « lavez cette pierre avec du baume. » « Ô mon doux père, » répondit le frère, « comment trouver du baume dans ces lieux sauvages ? Sachez, frère, chère petite brebis du Christ, » reprit saint François, sachez que cette pierre est celle où reposa Jésus-Christ quand il m'apparut sur cette montagne. Je vous ai commandé, par quatre fois, de la laver sans me répliquer, en mémoire de quatre grâces particulières que Dieu m'a promises pour mon ordre. La première, que tous ceux qui l'aimeront sincèrement finiront par obtenir de la divine bonté une heureuse mort. La seconde, que ceux qui le persécuteront recevront de Dieu des châtiments exemplaires. La troisième, qu'aucun frère, dans le péché, ne pourra demeurer longtemps dans son sein. Enfin, la quatrième, qu'il durera jusqu'au jugement dernier. Note. Cette pierre a été près de 200 ans, dans le sanctuaire de l'église du Mont Alverne, et, comme on en rompait souvent des morceaux, pour les emporter par dévotion, elle est, depuis 300 ans, dans une chapelle de la même église, où on l'a entourée d'une grille de fer, avec cette inscription, table de saint François, sur laquelle il a eu d'admirables apparitions, et qu'il a consacrée en y répandant de l'huile et en disant, c'est ici l'autel de Dieu. La pierre est conservée aujourd'hui encore dans la chapelle de la Magdeleine et porte une inscription très effacée du XIVe siècle. Elle est appelée Mansa, table. Markham Dan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bray 1859 et Bray Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.